L'actualité à Nancy et ailleurs. Cette rentrée est marquée au Théâtre de la Manufacture par la deuxième édition de Micropolis. Je vous avais dit bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Théâtre de la Manufacture. C'est donc le 29 septembre que va débuter cette deuxième édition de Micropolis. Est-ce qu'on peut revenir sur l'idée de départ? Comment c'est né? Alors, c'est né avec la volonté de pouvoir montrer pendant quelques jours des formes, des spectacles qui ont été créés par les artistes pour être présentés hors les murs des théâtres, c'est-à-dire en dehors des grands plateaux, des scènes qui sont équipées, donc c'est-à-dire en salle de classe, salle polyvalente, gymnase. On fait un certain nombre de créations sur le territoire et en fait, souvent, le public qui est au centre n'a pas accès à ces spectacles-là. Là, donc c'est le moment de les retrouver sur un site plus grand que le théâtre, c'est-à-dire le site de la Manufacture. Donc on travaille avec tous les partenaires, le conservatoire, l'IAE, l'IECA, le Goethe Institut qui est pas loin. Et donc on reproduit une petite cité où on va faire tous ces spectacles qui sont dédiés aux espaces non théâtraux. On ne sera pas enfermé dans une salle de théâtre, vous allez occuper tout l'espace. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est la deuxième édition, comment s'est passée la première? Est-ce que ça a été bien reçu par le public? Alors la première s'est très bien passée, le public a répondu présent et donc ça c'était chouette. La deuxième est un peu plus développée puisqu'il y a une journée de plus, que le jeudi et le vendredi on se déplace aussi dans les établissements scolaires qui sont aux alentours du théâtre de la Manufacture. L'année dernière on avait aussi, il y a des temps d'échange avec Marie Angerot qui est historienne, qui avait raconté un peu l'histoire de la décentralisation théâtrale puisque vous savez que le théâtre de la Manufacture c'est un centre dramatique national et donc on a pour mission de décentraliser l'art dramatique en région. Et donc là, on va plus loin puisqu'en fait, on décentralise autour du centre dramatique dans la périphérie et dans les milieux ruraux autour. Donc là, c'est un moment où tout ce qu'on fait autour revient au centre. Et oui, il gonfle un petit peu, il grandit. Donc ce sera une dizaine de spectacles construits pour être présentés hors des théâtres. Vous allez vous-même présenter une pièce que vous avez mise en scène, c'est Dissolution. On va venir bien sûr sur le reste de la programmation, mais pour dire quelques mots sur Dissolution. Pour le coup, c'est une commande d'un théâtre dans les Yvelines que j'ai faite en février dernier. Donc on a pareil travaillé dans des espaces improbables, pas du tout sur des plateaux. Et c'est un texte de Catherine Verlaguet qui est écrit pour l'enfance et la jeunesse depuis très longtemps. Et elle est très fine. Et c'est un texte sur la transmission ou l'héritage en fait. Et je travaille avec un conteur qui s'appelle Rachid Bouali, qui est exceptionnel et qui en fait va raconter les derniers moments de la vie de son père. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à jouer à la fois l'homme qu'il est à 50 ans, mais aussi son père qui va disparaître. Et il vient voir son père, il se souvient de la dernière fois qu'il a vu son père avec son fils qui a 7 ans. Donc il va se balader entre les trois personnages avec un art assez épatant. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, qu'est-ce qu'on laisse aux générations qui suivent, et aussi se réconcilier avec l'idée de la disparition. Alors Dissolution, on aura l'occasion de le voir à plusieurs reprises, hein. Ce ne sera pas une seule représentation, ce sera une fois par jour. Tout comme les autres spectacles que vous présentez, donc je l'ai dit, il y en a une dizaine avec des thèmes et des formes assez différentes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? On peut déjà dire que c'est forcément des formats qui ne sont pas très longs, c'est ça qui est aussi agréable, c'est-à-dire que c'est une heure et quart maximum et donc parfois 45 minutes. Donc on peut voir plusieurs formes à la suite et puis ça crée un débat, une espèce de bouillonnement entre les spectateurs et de rencontres. Voilà, ça c'est important. Moi, je me suis concentrée aussi sur des créateurs qui abordent des sujets d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui moi s'adressent à moi et s'adressent, j'espère, à vous et du monde dans lequel on vit. Donc, par exemple, il y a Gré de Guillaume Caillet qui est un texte avec... c'est un vigile de supermarché qui va raconter sa vie dans un centre commercial et qui va petit à petit voir naître le mouvement des Gilets jaunes et s'interroger sur la question du passage à la résistance, en tout cas à la rébellion, et donc du passage à la violence. Et ça, c'est vraiment un très très beau texte avec un musicien. Il y a par exemple Edith Yette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon qui font un spectacle sur le STO et sur la question de la désobéissance et du secret de famille. Il y a Maud Gallet-Lalande qui fait un spectacle sur pour, et les collégiens, elle l'a créé en collège l'année dernière au collège La Fontaine ici en métropole, sur l'imaginaire et donc la force de l'imaginaire et l'importance d'aujourd'hui quand on a 12 ans ou 14 ans de croire en ses rêves et de pouvoir les réaliser. Et que c'est possible, voilà. Donc c'est une ode à l'imaginaire qui est très très bien faite, qui se joue en salle de classe. Voilà, il y a Claire Diterdi qui est musicienne, chanteuse, qui vient faire un concert à table avec tous les objets du quotidien, et elle qui essaye de créer une communauté, un partage sur un bout de table avec une bouilloire, des clochettes, voilà, avec son complice. Donc voilà, c'est vraiment en fait toutes des artistes qui réfléchissent à comment on s'adresse aux gens d'aujourd'hui avec des formes qui fabriquent une rencontre. Et en plus, ces formes sont très en proximité. Donc ce qui est très, pour moi, jouissif pour le spectateur, c'est que l'acteur, il est à 2 mètres, à 3 mètres, et donc on est hyper touché par ça, d'autant plus puisqu'on évolue dans les écrans, donc en plus avec les barrières, le principe de précaution, et ben on a toujours, il y a quelque chose qui nous éloigne de plus en plus de l'autre, et ça c'est des moments où voilà, on est vivant, on peut expérimenter le fait d'être vivant, d'être ensemble, de se parler, de vivre un truc quoi, de vivre des choses, voilà. Et on reçoit encore plus fort le message qui est voulu être passé par ces spectacles, parce qu'il y a des thèmes assez sérieux, il y a l'adultère qui est abordé aussi, des choses. Oui, alors il y a le processus. Alors là, c'est pour le coup, c'est une création aussi faite pour les salles de classe, mais tout public, avec oui. un casque, donc c'est immersif. On est dans la tête de la jeune femme qui vit une de ses premières histoires d'amour et qui va se retrouver face au choix de garder ou pas l'enfant qui a été conçu par accident. Je pense qu'il est urgent qu'on s'interroge sur pas mal de sujets qui sont, à mon sens, pas assez débattus de façon formelle. Je dirais, donc là, on peut peut-être parler de crise démocratique, au-delà de la crise écologique, sociale, économique, etc. Et je pense que le théâtre reste un endroit, et c'est un endroit en plus de service public, hein, Centre Dramatique National, c'est un endroit public, donc c'est vraiment le lieu de tous, un endroit où on peut se poser les questions, y compris les questions qui fâchent, qui nous éloignent, où il y a du dissensus. Je pense que c'est important, le dissensus, en fait. Je pense qu'on a besoin d'espace où on va le travailler, quoi. Ça commence le 29 septembre au Théâtre de la Manufacture. Tout programme, on le retrouve sur le site du théâtre, hein, j'imagine. Sûr. Comme ça, on peut se faire son petit programme sur les 4 oui, jours. Oui, sur les réseaux aussi, vous pouvez nous trouver, puisqu'on a, bien sûr, je ne les cite pas, le grand réseau bleu, l'autre un peu plus coloré. Donc, il y a plein d'autres spectacles à découvrir. On n'a pas eu le temps de tout citer. Et puis, surtout, il y a un partenariat avec le NJP pour un DJ set qui a lieu le samedi soir, histoire de faire un peu la fête. Il y a un food truck qui s'installe sur la partie pelouse entre la voie ferrée et le théâtre. Donc, il y a aussi l'occasion de boire une bonne bière ou un Perrier et de se marrer. Et de déconnecter un peu. Et exactement, de prendre du temps. Et pour le Théâtre de la Manufacture, pour aller un peu plus loin, pour cette saison qui débute, hein, on est en septembre, c'est tout début. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi à annoncer peut-être? Bah alors, tout est nouveau puisque chaque spectacle est un risque. Et voilà. Je vous encourage à prendre des risques, d'autant plus que les tarifs ont été baissés. Et que, notamment pour les étudiants, il y a des tarifs à 5 euros, donc c'est vraiment accessible. Non, tout est à découvrir. Moi, je pense qu'il faut prendre des risques, il faut aller au théâtre pour vivre des expériences vivantes. Voilà, donc je peux que dire ça. Il y a une plasticienne qui va retraverser Andromaque avec un décor complètement chaotique, avec des balles trappes, des matières qui s'effondrent, et ils essayent de se dire qu'ils s'aiment au milieu de tout ça. Donc voilà, ça peut être vraiment très fort. Il y a toute une saison jeune public que j'ai mis en place qui va commencer avec le NJP justement, avec Hansel et Gretel, donc un conte qui est travaillé avec des musiciens qui aussi parlent mais qui font tout en musique, et je pense que ça va être assez génial. Enfin, chaque spectacle, je peux que les défendre puisque c'est moi qui les propose et que je pense qu'ils ont du sens à être reçus, voilà, aujourd'hui par mes congénères. Donc on prend les risques et on ne sera pas déçus. Faut prendre des risques, ouais. Merci beaucoup, Julia Vidi. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.